Bonjour Philippe. Bonjour Claude. Tu vas bien? Eh oui, je vais bien, surtout ici, dans ce jardin merveilleux. Alors, on est aujourd'hui le 26 mars. Oui. Il est 15h, 15h30. Nous sommes sur le jardin merveilleux de Philippe, dans sa loge, sur laquelle il a stocké tous ses instruments, stocké ses outils, etc. Et comme il pleut un peu, on est à l'abri. Merci Philippe de m'accueillir avec un tel confort. Alors, moi, ce qui me motive aujourd'hui, j'espère que ça va t'intéresser toi aussi, c'est qu'on fasse le point sur ta semaine, qui va bientôt se terminer. Dans 48 heures, tu vas nous quitter. Et tu es là depuis vendredi dernier. C'est ça. Je suis arrivé jeudi. Et vendredi, je préparais un petit peu ce que j'avais prévu comme animation, qui était la semaine pour semer. Ici, avec un point particulier qui était hier, le 25, sur la grande lessive, l'opération internationale La Grande Lessive. On va y revenir. Et puis on termine donc les semis jusqu'à dimanche prochain, donc dans 48 heures. Super. Alors, parlons de ce qui s'est passé avant hier. Hier, où il y a eu une jolie réunion, sympa, et sur laquelle on va revenir. Mais dans l'intervalle, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé avec notre ami Stéphane. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant? Alors déjà, dans un premier temps, j'étais tout seul, puisque Stéphane est toujours au travail, sauf le week-end. Donc là, il va me donner un coup de main encore le week-end prochain, mais en ce moment, il a beaucoup de travail. Donc, il suit ça avec beaucoup d'intérêt. Il m'envoie des petits messages en disant, je suis au taf, mais j'aurais bien aimé être avec toi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est, on avait deux opérations. On avait l'opération semi, donc inviter tous ceux qui veulent à venir semer sur ce terrain, et l'opération Grande Lessive sur le thème du jardin suspendu. Alors, le thème du jardin suspendu a été choisi à la Grande Lessive, mais en fait, le jardin suspendu, comme tu le sais, on en a déjà discuté il y a 6 mois, même plus que ça, hein, puisqu'on a démarré au mois de février 2020. Et on a commencé sur le thème du jardin suspendu. Tout à fait. Comme quoi, on tombait très très bien là-dessus. Tout à fait. Donc, mon opération, ça a été venir un peu plus tôt pour pouvoir préparer un peu le terrain, le rendre accessible à ceux qui veulent venir, enlever un peu les choses sur lesquelles on peut se prendre les pieds, sécuriser un peu les endroits, les falaises notamment. Et puis, voir aussi, à chaque fois que je viens, regarder si sur la falaise, il n'y a pas des choses qui peuvent tomber sur la route, on ne sait jamais. Pour sécuriser le terrain. Oui. Et ensuite, regarder un petit peu les endroits particuliers pour les semis, puisqu'il y a ce terrain a toutes les possibilités, les endroits qui sont toujours au soleil, les endroits qui sont semi-ombre, semi-soleil, et les endroits qui sont toujours à l'ombre. Ce qui fait qu'on peut choisir les espèces en fonction de... justement cette caractéristique. Je ne dirais pas l'orientation, parce que l'orientation, en fait, on est dans le nord. Donc, plein nord. On est plein nord. Et puis, commencer à voir avec les palettes que la quincaillerie du Belzic nous a fournies et que d'autres ont fournies aussi, dont toi, dont Christiane. Qu'est-ce que l'on peut faire en fonction de l'état, des caractéristiques, parce que toutes les palettes ne sont pas pareilles, il y a juste les palettes normalisées type SNCF qui sont particulières et particulièrement lourdes d'ailleurs. Oui, mais très solides. Mais très solides, voilà. Et puis acheter les outils et les clous et les vis nécessaires pour pouvoir les assembler. Donc ça m'a pris... Je suis arrivé jeudi, en milieu d'après-midi, donc ça m'a pris la fin de l'après-midi plus le vendredi. Et puis samedi, Stéphane est arrivé, on a commencé à travailler sur les parties suspendues. Alors, comment ça se passe, ces parties suspendues? Alors, ces parties suspendues... Pour bien expliquer, parce que verbalement, c'est pas facile à comprendre, donc tu vas bien nous expliquer ce jardin suspendu. Alors, nous, notre terrain est en fait un terrain qui est globalement en pente, mais qui comporte plusieurs terrasses et des falaises. Donc, avec une superbe vue sur le Loc et sur la rive d'en face. Alors, le Loc, c'est la rivière Dorée. C'est la rivière Dorée. C'est la rivière Dorée après le pont de Saint-Goustan. Pont de Saint-Goustan, voilà. Et notamment avec une réserve à oiseaux en face et une zone humide où on a régulièrement en ce moment des aigrettes le soir. C'est super joli. Et là-dessus, justement, c'était d'essayer de mettre en place, d'une part, de valoriser un peu le côté belvédère, et puis d'autre part, d'essayer de montrer ce que l'on peut faire sur un tel terrain, par-dessus, rue Neuve, ou par-dessous, quai Neuf. Sur le quai Neuf, en fait, on a des falaises, donc faire pousser ça sur du vertical, ce n'est pas évident. Par contre, suspendre depuis le haut quelque chose qui descende sur la paroi, c'est tout à fait faisable, d'où jardin suspendu. Et là, particularité, bon, on connaît des plantes, il y a des paysagistes et des pépiniéristes qui proposent des choses qui sont en pot suspendu et qui descendent. Là, en fait, on a la possibilité de faire pousser des fruits et des légumes et puis de les faire descendre sur les parois en les accrochant. D'accord. Pour éviter que ça tire trop sur les sarments. Donc, à partir du moment où il y aura, par exemple, un potiron ou un butternut ou quelque chose comme ça, qui descendra, on lui mettra un petit reposoir pour qu'il puisse tranquillement grossir et faire sa vie. Mais explique bien, ces plantations vont se faire sur des palettes qui sont elles-mêmes en suspension sur deux câbles. Tu peux nous expliquer un petit peu oui. Alors, en l'état actuel, en fait, on a des balcons, c'est-à-dire d'un côté, on est appuyé sur la terre et de l'autre côté, on est suspendu. Et ça, c'est il y a déjà deux balcons, je pense qu'il va y en avoir trois ou quatre. Et puis, on a une passerelle qui est montée sur des câbles, les câbles inox que mon beau-père m'a donné, participant justement au jardin merveilleux de cette façon-là. Et qui permet en fait de passer sur comme une casquette au-dessus du cirque, du creux qui a été. C'est-à-dire que tu enfiles ces câbles dans les palettes. Non, on n'enfile pas les câbles dans les palettes. Non. En fait, les palettes sont posées dessus et ensuite elles sont brêlées donc avec avec une corde. D'accord. Pour éviter. C'est simplement posé. C'est simplement posé. D'accord. Parce que enfiler c'est beaucoup trop difficile dans le contexte végétal que l'on a. Et puis si ça ne marche pas... Ben, c'est plus souple, tu peux les enlever. Voilà. On peut d'accord. choisir. Si un jour il y a une palette qui est un peu plus pourrie que l'autre, on peut la remplacer. Voilà. D'accord. Objectif, c'est que sur ces palettes, non pas nous puissions marcher, mais que en fait, elles se stabilisent peu à peu avec le lierre qui va se prendre dedans et que l'on puisse en fait, faire pousser des choses dessus, dedans, à côté... puisque en fait sur ces palettes il y a des interstices qui vont faire que le lierre. Donc c'est des plans supplémentaires que voilà. tu as dressés au-dessus d'un cirque par exemple pour la passerelle. C'est ça. Et tu vas laisser la végétation investir complètement toutes ces palettes, s'entremêler dans les planches. C'est ça. Et là-dessus, tu vas, dans un prochain temps, venir poser des cartons et puis planter des choses. Voilà, on va commencer par mettre des choses, en tout cas, qui ne craignent pas de tomber, en tout cas. Oui. Voilà. Bon, il faut savoir que cette casquette complètement suspendue est prévue pour résister aussi à quelqu'un qui passe dessus, puisqu'il va falloir quand même de temps en temps entretenir, ne serait-ce que pour poser, pour vérifier, et puis ne serait-ce que pour brêler avec des cordes, il va falloir que j'y aille. Par contre, on y va, mais assuré avec... avec une corde, un cordage, voilà. D'accord. Très bien. Mais c'est un endroit qui, normalement, est prévu pour résister jusqu'à 250 kg. Donc on est tranquille. Tu pèses combien ? Moi, c'est 80, je suis un peu moins de 90. Bon, allez, il y a un peu de marge. Ça passe, j'ai la marge. Bon, alors voilà les palettes installées. Voilà. Donc, en l'état actuel, en fait, on voit les palettes, mais elles sont destinées à disparaître sous la végétation. D'accord. Sauf aux endroits où il est prévu que l'on puisse y aller pour dire comme belvédère. Et donc là, on va dégager quand même un peu. Je pense qu'on ne va pas laisser tout pousser à travers, sans ça, on ne pourra plus y aller. Et par contre, il y a les palettes qui sont prévues pour recevoir de la végétation, elles, au bout d'un moment, on ne pourra plus y aller. Bien sûr. Mais la nature aura fait son œuvre. La nature aura fait son œuvre. Et tout va se marier. C'est ça. D'accord. Bon, alors voilà pour les jardins suspendus. Qu'est-ce que tu as fait pour la grande lessive ? Alors, pour la grande lessive, bon, j'avais fait une annonce à plusieurs endroits, sur Ouest France, puis je l'avais annoncé sur le site web aussi. Oui. Et donc, c'était invité le tout un chacun à faire une œuvre d'art et à venir la suspendre ici au grillage. Non pas à un fil, à un corde à linge, mais à une corde. Sur le grillage. Mais sur le grillage, où on a 200 mètres de grillage où on peut mettre des choses. Et donc, y en a qui se sont présentés. Il y en a une qui s'est présentée. Voilà. Qui a posé son dessin. Enfin, c'est plutôt une peinture. Une peinture, voilà. Une peinture qu'elle a accrochée. Et puis. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette peinture ? Elle représente un jardin, mais qui n'est pas très suspendu, mais un jardin quand même. Bon. D'accord. Okay. Ceci étant, ce n'était pas évident de travailler sur les jardins suspendus. On n'en a aucune idée à part les pots suspendus chez le pépiniériste et puis ce qu'on représente des jardins suspendus de Babylone. Oui. Et après qui ne sont pas suspendus du tout. Qui ne sont pas suspendus. D'accord. Bon, alors voilà. Parlons maintenant, si tu veux bien, d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Qu'est-ce que tu as cherché à faire ? Alors, hier, c'était déjà normalement la grande lessive, le jour de la grande lessive, jardin suspendu. Oui. Et puis, depuis une semaine, en fait, en travaillant sur le terrain, il y a des personnes qui passent, qui interpellent, qui demandent des explications, qui demandent en quoi ça consiste, tout ça. Et donc, qui avaient promis de revenir pour semer. Et notamment pendant le week-end, puisque pendant la semaine, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et donc, tu parles du week-end prochain, venir. D'accord. Alors, le week-end dernier, en fait, ces personnes-là passaient et ont trouvé très intéressant, étaient surpris, donc ils n'avaient pas de graines en poche. Et par contre, ils ont promis de revenir. C'est pour ça que, j'avais prévu dans ce séjour deux week-ends pour qu'il y en ait un qui serve, en fait, à informer. D'annonce, une annonce. Une annonce, et l'autre qui serve à agir. D'accord, ok. Alors, donc, ça, c'est pour l'organisation de ces semailles. Avec combien de personnes, à peu près, tu as pu discuter ? Est-ce que tu as une heure d'idée ? C'est oui. 10, c'est 20, c'est 30 En fait, j'ai noté, moi, sur un petit carnet, jour. Qui passait ? Voilà, combien il y en avait qui passaient. Et puis, au début, en fait, personne ne donnait son nom. Mais après ça, au bout d'un moment... À partir du moment où je donnais le mien, eux, ils donnaient le leur. Voilà. Donc, c'était donnant, donnant. Donnant, donnant. Voilà. D'accord. Donc, si je dois évaluer le nombre, je pense que j'ai dû adresser et donner des explications à une 20-25 personnes. 20-25 personnes. D'accord. Et sur ces 20-25 personnes, hier, quelques-unes sont revenues. Est-ce que tu peux les nommer ? Est-ce que tu peux expliquer quels sont leurs profils et où est-ce que tu en es avec ces personnes-là ? Voilà. Bon, alors les premiers, moi j'étais venu déjà avec des choses à semer, des graines et puis des boutures de framboisier que je mettrai en terre samedi ou dimanche, demain ou après-demain. Et puis Stéphane est venu aussi avec des choses. Et puis on a vu débarquer Geneviève. Geneviève. Avec une plante. Elle était passée, elle s'était renseignée justement le week-end dernier. Et puis elle est allée chez le pépiniériste pour acheter une plante à mettre ici. Ça c'est sympa. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Oui. Et Geneviève est une bonne personne. Oui. Hein? C'est une bonne candidate... au jardin, et faudra la motiver. Elle est volontaire. Elle est volontaire. Voilà. Alors, donc, ça, pour Geneviève. On a déjà ça. Et puis, on a eu Alors, on a Gilbert qui est juste au-dessus. C'est lui qui, en fait, garde mes outils quand je ne suis pas là. D'accord. Donc, tout ce matériel qui est là va aller chez Gilbert. Alors, il y a une partie des outils qui reste ici pour ceux qui viennent travailler en dehors de moi, lorsque je ne suis pas là. D'accord. Et puis, il y en a toute une série, comme par exemple les cordes de rappel et les choses comme ça, qui n'ont pas besoin de traîner ici. Tout à fait. Et que donc, tu vas mettre à l'abri chez Gilbert. Voilà. Alors, Gilbert, je ne l'ai pas trouvé très causant. Tu me diras qu'il était handicapé par son pied. Qui c'est Gilbert ? Alors Gilbert, c'est un retraité qui travaillait avant dans l'informatique et donc qui s'est fait, en travaillant dans l'informatique, qui s'est fait une certaine idée de l'évolution dans l'informatique, notamment avec une certaine répulsion à tout ce qui vient des États-Unis, du côté anglo-saxon. Donc il a plutôt tendance C'est un peu une gageure ça, non ? Parce que faire de l'informatique en refusant tout ce qui est outre-Atlantique... Voilà. Bon, Il peut se le permettre maintenant qu'il est à la retraite, mais c'est vrai qu'à partir quand on est en côté professionnel, on n'a pas trop le choix, en fait. Voilà. Bon, maintenant, avec la crise que l'on connaît, la pandémie que l'on connaît, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, des alternatives françaises, européennes... voilà. Ceci étant, les gros, ils sont quand même... ils sont là-bas. Hein. Ils sont là-bas, voilà. Bon, et donc, lui, bon, il a mis à tremper des graines de cana, que j'ai d'ailleurs laissé sur la table. Des graines de quoi ? Cana, c'est une plante, d'ailleurs, qui a été mise par M. Marais, qui est juste au-dessus de nous, dans la rue, et qui se trouve très bien, en fait, en totale ombre. Donc on va pouvoir la mettre le long du mur. D'accord. Voilà, d'accord. Qui donne de très très belles fleurs. D'accord. Donc lui il a fait ça. On a eu Catherine qui est en même temps correspondante Ouest France, qui est venue avec des saules tortueux. Des saules tortueux. Oui. C'est quoi des saules tortueux ? C'est une espèce de saule qui en fait pousse en faisant des espèces de nœuds sur son tronc. D'accord. Et ça lui donne un aspect un peu tortueux. Quoi. D'accord. Et alors, Catherine, qui est sur Ouest France, qui te suit depuis le départ ? Depuis très vite. En fait, elle est correspondante et en plus, elle était au lycée de Carplus. Ah, d'accord. Agricole, d'accord. Qu'elle a quitté puisqu'elle a pris sa retraite il y a 6 mois à peu près. D'accord. Voilà. Mais elle est toujours correspondante de Ouest-France. Elle est toujours correspondante de Ouest-France. D'accord. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit hier ? À part faire la photo de groupe, qu'est-ce que... Ah ben, j'ai dit ce que j'avais dit déjà à Lucie qui venait de... On va revenir à Lucie. On va revenir à Lucie. Visite du jardin, surtout des nouveautés, puisqu'elle connaissait en fait tout ce qui était ancien. D'accord. Elle avait suivi. Il y a déjà plusieurs articles qui sont passés sur Ouest-France. Et donc, elle demandait qu'est-ce qu'il y avait de neuf. Voilà. Voilà. Alors. Alors, je lui ai dit qu'il y avait toujours le quai neuf et la rue neuve. Et puis, les choses suspendues qu'elle n'avait pas encore vues. Donc, voilà. Là, elle s'est... Est-ce qu'elle a fait des photos de ça ? Alors, ça, je ne sais pas. Normalement, dès qu'elle peut, elle m'envoie tout ça pour valider. Savoir, pour valider. Non, c'est, en fait, j'ai pas droit à validation. Oui, tout à fait, t'informer. Pour m'informer. D'accord. Et elle m'informera aussi du jour où ça sortira. Tu m'informeras moi aussi ? Oui, oui. Qu'on essaye de récupérer quelque chose ici ? Oui, oui. Hein ? Bon, cette fois-ci, je suis allé un peu plus loin, correspondant aux aspects spirituels, en fait. Avec elle ? Avec elle. D'accord, ça c'est bien. Et j'avais abordé un peu la chose aussi, un peu avec Lucie. Tout à fait. Tout à fait. On va revenir à Lucie, je décompose un petit peu. Donc avec Catherine. Avec Catherine, tu as commencé à aborder la spiritualité avec elle. C'est ça. Sous quel angle, sous quelle forme ? Quand on parlait de... à chaque fois, c'est de suspendu à quoi ? D'accord. Jardin suspendu à quoi ? D'accord. Pour qu'il y ait jardin suspendu, il faut trouver quelque chose en haut. Il faut qu'il y ait une accroche. Voilà. Il faut qu'il y ait deux croix s'accrocher. Et donc, c'est là qu'on regarde vers le ciel. Alors, comment elle a réagi à ça ? Je crois que c'est une femme qui est croyante. Donc, Donc, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Voilà. Et puis, j'ai parlé un petit peu de ces aspects d'étapes. C'est-à-dire, toujours cette... cette référence au tableau de Michel-Ange avec tout à fait. Les deux doigts qui tentent de se rapprocher mais qui ne se touchent pas. Ils n'ont pas la même motivation. Voilà, ils n'ont pas la même motivation. Et donc, quelle est la part de l'homme et quelle sera la part divine d'accord. là-dedans. D'accord. Voilà. La part divine, on ne sait pas trop. Par contre, on la sent. Moi, je trouve assez fantastique qu'aujourd'hui, Gilbert vienne me trouver en me parlant. Ben voilà, j'ai réfléchi, j'ai calculé la quantité d'eau qui tombait sur mon toit et combien tu pouvais en récupérer, tout ça. Et puis, il m'a montré en fait tous les tuyaux qui sortent de chez lui. Et alors, c'est là qu'il dit, ça serait bien de savoir chez les voisins quelles sont les possibilités aussi. Et du coup, cet après-midi, il a plu et on a pu savoir où est-ce que ça sortait. Super. Voilà. Très bien. Donc on sait. Maintenant, on sait. Donc on sait. Donc là, le divin rencontre l'opératif et on peut commencer à construire la vie autour de tout ça. Avant de parler de Lucie, je voudrais qu'on parle de Christiane, ta logeuse. Alors, Christiane, ma logeuse, c'est... Que j'ai trouvé très sympa au demeurant. Oui. Hein? Oui, détendue. Elle est très gentille. Bon, c'est une femme qui a perdu son mari il n'y a pas très longtemps. Son mari qui avait... Ils ont construit en fait une superbe maison qui est... admirablement conçu. Elle est où, cette maison? Tout est pratique. Elle est rue du Golaire, là, du côté de Athéna, à Auray. C'est cette nouvelle maison qui est sortie... Elle n'est pas si nouvelle que ça, mais on ne la voit pas, en fait. Hein. Ah, on ne la voit pas. On ne la voit pas. D'accord. Donc, tu es bien logé chez elle. Donc, je suis bien logé. Elle a ça, et puis un petit studio. Donc, ce matin, j'ai dû sortir de la maison pour aller dans le studio parce que il y a des gens qui arrivent. C'est une maison qui sert en... pour accueillir en Airbnb. Quoi. D'accord, très bien. Et le studio aussi accueille, mais en fait, c'est pas toujours plein. Donc, tu vas dans l'un ou dans l'autre, voilà, selon. D'accord. Voilà. Alors, Christiane était là hier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a réagi par rapport à ton jardin, dont tu lui avais sans doute déjà parlé au préalable? Sur le terrain, là, quand elle voit ça... Quel impact ça a sur elle? En fait, là où je pense qu'elle a accroché, c'est qu'elle, comme beaucoup d'ailleurs, c'est qu'elle cherche un peu de merveilleux dans sa vie. D'accord. Et le fait d'en parler et de passer à travers un jardin, ça lui a plu. Et, d'accord. C'est en cela que... qu'elle a tout de suite mordu. D'accord. Quand je l'ai connue, en fait, elle avait perdu son mari depuis moins d'un an. Et donc, c'est vrai que son mari, en fait, venait juste de terminer sa maison et passer, en fait, sa vie à construire son nid et puis ensuite disparaître. L'abandonner, quoi. Voilà. Mmh. C'est un peu gênant, quoi. Oui, il y a une grande part d'abandon et puis un deuil à faire, voilà, etc. D'accord. Et donc, est-ce qu'elle a trouvé hier son merveilleux? Je l'ai à peine vu. Voilà. Parce que en fait, il y avait un changement de locataire ce matin. Donc, je l'ai juste croisé. D'accord. Je lui ai fait son ménage de maison comme jamais elle l'a fait. Voilà. Donc, non, mais c'est bien. C'est super bien. Voilà, c'est bien. Vous vous rendez service. C'est super propre. Il y avait une troisième ou une quatrième dame hier. Qui est arrivée une personne un petit peu plus âgée que les autres, petite. Oui, tout à fait. Petite. Et qui parlait beaucoup. Qui parlait beaucoup. Voilà, qui connaissait très bien Catherine. Voilà, elle se connaissait, ça voilà, c'est sûr. Elle se connaissait. Mais comme tous les Alariens se connaissent. Hein, parce que c'est une... Où est-ce qu'elle habite, cette dame-là? Alors, il y a... Geneviève, c'est Plunerette. Je ne sais pas, parce qu'en fait, elle est très avare sur elle-même. Je crois qu'elle est un peu comme Stéphane, un peu réactionnaire sur les bords. Oui, mais j'ai eu cette impression aussi, ouais. Oui. Et par contre, je pense qu'elle devait être à la manifestation sur le climat. Il y avait des jeunes. Il y avait quelques personnes âgées, mais bon, ouais. Je ne l'ai pas vue. Bon, j'ai la vidéo ici, j'ai fait. Mais moi, cette personne-là, bon, je ne l'ai pas sentie. J'ai senti beaucoup d'agressivité en elle. Y a, ça dénote un certain malaise, hein, un certain malaise, et elle est assez communicative pour te transmettre son malaise, quoi. Bon, c'est, dans le cadre du merveilleux, c'est un peu compliqué, quoi. Je dirais que c'est... le jardin merveilleux va forcément attirer sur 360 degrés. Ouais, à savoir qu'on a même eu un jeune qui est arrivé un peu plus tard. Oui, Michaela m'en a vaguement parlé, oui, et il est vite reparti aussi. En fait, il m'a laissé toutes ses coordonnées. Ouais. C'est un jeune qui a été formé au maraîchage, maraîchage bio, et qui est aussi en recherche de travail, qui pour l'instant est un peu oisif, mais très volontaire. Qui en fait nous a interpellés alors qu'on était en train avec Catherine de faire l'interview, le tour du jardin. Et il dit, est-ce que je peux voir, je peux monter, par où on passe, enfin bref. Et bon, c'est volontaire, c'est bien ça. C'est super volontaire. Il est arrivé, il est monté en courant, il est plein d'énergie. Ah, je crois que je l'ai vu. Il était habillé en noir, non, habillé en foncé, non? Non, il était en t-shirt, c'est pour dire qu'il est quand même d'accord, ok. Bon. Assez sportif. D'accord, c'est bien. Voilà, et bon, bah, lui était... c'est un jeune, faisait penser un peu à un collégien, mais... c'est une personne qui n'ira pas à l'université, quoi. Bon. Tout à fait. Et qui est très pratique, et... Bon, bah, entre finalement 7 à 77 ans, hein, finalement. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Et tout le monde ne réagit pas de la même façon. C'est vrai que j'ai eu des personnes qui venaient en disant bah, quand est-ce qu'on fait les rangs de pommes de terre, quoi. D'accord. Et puis. C'était normal. Voilà. C'était normal. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait, d'habitude. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont très bien compris le système, c'est-à-dire, en gros, on va essayer de faire alliance avec la nature localement. Ça, c'est bien. Et puis, dire, ben voilà, la nature ici, elle est comme ça parce que le terrain a besoin d'être stable. Il faut la prendre comme ça. Et puis, on va essayer de voir si y a des plantes qui nous intéressent, nous, qui pourraient se mêler de façon utile à tout ça. D'accord. C'est le but du semis. D'accord. Revenons aux jeunes, alors vous êtes resté sur quoi, là, il t'a donné ses coordonnées, et puis voilà, alors, tu dois le ressolliciter, tu dois quoi? Alors, pour l'instant, je ne sais pas, parce qu'en fait, quand je suis rentré hier soir, j'ai laissé toutes mes notes ici, donc j'ai rien lu. C'est pas grave, ouais. Voilà, donc je verrai ça ce soir. Et lui, en fait, ben, je ne sais pas comment l'aborder, il faut que je médite un peu. D'accord. La chose. D'accord, c'est pas évident. D'accord. En tout cas, il est volontaire. Maintenant, il est sans emploi. Il ne s'agit pas non plus de donner de faux espoirs, parce que c'est pas ça. Oui, mais voir comment il peut s'insérer dans cet édifice qu'est le jardin merveilleux. Quoi, voilà. Voir comment il peut apporter sa pierre. C'est ça. Pour l'instant, en fait, j'ai plutôt affaire à des personnes d'un certain âge. Oui. Et, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir. Là, c'est un très jeune. Et puis, il y a d'autres jeunes qui sont passés, notamment mercredi. Qui doivent revenir ce week-end justement pour semer, pour voir ce que l'on peut faire sur place, parce que c'est un endroit qui enchante quand même. Hein. D'accord. Avec la vue que l'on a depuis le haut et puis la vue des falaises, ça enchante un peu. D'accord. Revenons à cette dame un peu acariate là, dont on parlait tout à l'heure. Où est-ce qu'elle en est par rapport au merveilleux? Aucune idée. Aucune idée, très bien, d'accord. Okay. Aucune idée, je pense que je poserai la question à Catherine, puisqu'elle connaît, elles se connaissent. Mais Gilbert aussi la connaît. Oui. Ils se connaissent les deux, là, Gilbert et... Je n'ai pas eu ses coordonnées. Quand je lui ai demandé, en fait, ses coordonnées, elle ne me les a pas données. Donc, d'accord. Ok, bon, bah, faut prendre ça par une voie détournée. Eh bien, il nous reste à parler de Lucille. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Lucille? Eh bien... C'est Lucie ou Lucie? Lucie. Lucie, d'accord. L-U-C-I-E. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une personne qui va revenir, même si elle n'est plus à la mairie. Tout à fait. Parce que à partir du moment où elle a dit que c'était sa dernière semaine sur place, ouais. Moi, je me suis dit, ça, il faut absolument que... Elle cherche quelque chose, d'autre qu'une plein de choses, emploi. Plein de choses, mais on va en reparler. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé de ces questions? Est-ce que tu l'as senti pertinente sur le sujet? Est-ce qu'elle accrochait par rapport à toi? Elle prenait beaucoup de notes? Je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup réfléchi avant de venir. Puisque en fait elle a vu le site. Elle a vu le site. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est alors, ça, oui. Ça aurait été intéressant de savoir ce qu'elle en pensait. Oui, et là il faut que je reprenne contact avec elle. Parce qu'en matière de communicant, c'est intéressant d'avoir d'autres personnes qui ont une petite pratique de communication et de voir ce qu'ils pensent de ta propre communication. Ça permet de se réajuster. Moi, cette fille, j'ai trouvé très bien. À la fois un peu discrète, effacée, et puis à la fois pertinente. Elle a peu parlé, mais tout ce qu'elle a dit, c'était juste. C'était bien dans le tempo. Et je pense qu'elle a pris des notes, mais que le soir même, elle a dû écrire les impressions qu'elle avait pu avoir. Peut-être, oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Oui. Et puis, je pense que c'est un petit peu comme ça que je l'ai abordé. Moi, c'était sa dernière semaine, c'est une de ses dernières rencontres, eh bien, qu'elle ait un morceau de bravoure, entre guillemets, sur le jardin merveilleux, qu'elle laisse sa trace à la mairie sur du merveilleux. Ça peut marcher, ça, parce que j'ai... J'ai eu ça dans le dernier projet avant de sortir de l'enseignement, avec un gars qui était à la région, qui partait à la retraite, et il m'a dit « votre projet me plaît ». Il était responsable des achats de matériel pour des projets, pour la structure que j'étais en train de monter. Il m'a dit « demandez, on va s'arranger pour que vous ayez tout ». Ça, c'est bien. Et il s'est arrangé pour qu'on ait tout. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, en ayant tout... ça fait presque trop pour ceux qui sont restés après ça, après mon départ. Quoi. Voilà. Bon. et puis le tout, il faut se l'approprier aussi. Voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde. Quant à Lucie, tu as ses coordonnées. Oui. Tu pourrais me les transmettre. Bah, j'ai en fait son mail, mais je n'ai pas son adresse D'accord. personnelle. Je pense que je vais la recontacter. D'accord, parce que moi, j'aimerais, à titre personnel, mais je pourrais faire t'en parler. Si tu veux, elle va quitter la mairie pour se lancer dans sa petite entreprise. Et cette petite entreprise, c'est écrivain public en tout genre, si tu veux. Oui. Et je pense qu'elle va, dans sa réflexion, tout du moins, elle voudrait aller vers les autres et communiquer avec les autres. Oui. Alors moi, j'ai envie de lui dire, moi aussi, j'ai besoin d'aller vers les autres et de communiquer pour faire mes podcasts, si tu veux, parce que je fais des podcasts en tout genre. Et je pense qu'on pourrait être un bon tandem... sans se concurrencer, parce que de mon côté, il n'y a pas grand-chose à craindre. Mais je pense qu'on pourrait lui apporter quelque chose, si tu veux. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir ses coordonnées. Mm-hmm. Et à partir de là, je la solliciterai, puis on verra si on peut faire un bout de chemin ensemble. Pour l'instant, les coordonnées que j'ai, c'est celles de la mairie, c'est tout. Hein. T'as son mail à la mairie. J'ai mail à la mairie. D'accord, voilà. Il faut s'accrocher là-dessus. Mais elle s'en va à la fin de la semaine, c'est ça? Elle s'en va mercredi. Ah, d'accord. Il faut donc s'accrocher bien. Il faut donc aller vite. Voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce qui s'est passé jusqu'à hier au soir et aujourd'hui. Et demain et après-demain, samedi, dimanche, qu'est-ce qui se passe? Alors, Stéphane, normalement, devrait me donner un coup de main. Je ne fais pas, en fait, de travail, entre guillemets, dangereux, sans qu'on soit deux. Donc, j'ai fait tranquillement des choses ici. D'ailleurs, c'est encore un clin d'œil, parce que je me disais, il est prévu de la pluie, mais les palettes, je ne les ai pas encore toutes passées à l'huile de lin. Ah. Ça aurait été bien que je les passe avant à l'huile de lin. Et donc, je ne sais pas si le Tréhaut m'a entendu, mais quand je suis arrivé, je l'ai fait ce matin. Après ton ménage. Après mon ménage, et lorsque j'ai passé le dernier coup de pinceau, il s'est mis à pleuvoir. Ah, c'est sûr. Mais, c'est vraiment super. T'es combiné avec, avec le Très-Haut, comme tu dis, ben, c'est bien. C'est vraiment combiné. Voilà, bon. Ben voilà, ça c'est bien. Donc les palettes sont traitées donc de ce côté. Même celles suspendues? Alors celles qui sont suspendues sont déjà traitées, je les ai traitées. Ah, tu les avais traitées avant? Je les avais traitées avant. D'accord. Avant de les suspendre. Et là, après, ça, et là tu viens de traiter tout le reste des palettes que tu as ici. Voilà, j'en ai traité 5. D'accord. Celles que j'avais mis en présentoir hier, en fait, je les ai sorties pour pouvoir les passer à l'huile de lin. D'accord. J'ai pris l'huile de lin parce que c'est naturel. Oui, oui, non, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis ça va, en fait, ça va donner un peu plus de temps à la nature. De faire son œuvre. De faire son œuvre. Voilà. Très bien, d'accord. Bon, ça c'était pour ce matin. Et demain alors? Et demain, bah, ça va être la création de la passerelle. Ça va être, si Stéphane est là, en fait, on va tendre les câbles. J'ai reçu en fait la corde. Ah, la Belzic t'a livré. Voilà, ça y est. Ah ouais, d'accord, ça c'est du costaud ça. Voilà, ça c'est du costaud. C'est des cordes à 700 kg. Ouais, donc, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est bien. Donc d'accord. On va pouvoir tendre et mettre tout ça en place et pour que tout le monde reste un peu ébahi en haut et en bas. Voilà. De ça. Voilà. Alors, tu vas trouver dans les photos que je t'ai données, bah, toutes celles que j'ai prises de façon un peu spontanée. Et c'est pour ça que je te posais la question de savoir quand tu allais finaliser ta passerelle pour aller par-dessous et faire quelque chose. Bah, ça sera plutôt dimanche. Ça sera dimanche. Parce que je ne maîtrise pas du tout le temps. D'accord. S'il fait beau demain, on aura peut-être terminé demain soir, mais c'est pas sûr. Donc parce en plus, on a des plantations à faire. Voilà, donc c'est pour dimanche. Ok, et dans l'intervalle, bah oui, t'as plein de graines à planter, quoi. Voilà, il y a des graines à semer et des plantations à faire, oui. C'est super. Voilà, et ben, Philippe, est-ce qu'on a fait le point de ton activité de cette semaine? Si, il me reste quand même une question à te poser. Et je ne suis pas le seul à te la poser. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à la date où on va te revoir? C'est une affaire de négociation avec Sylvie, ma femme. Donc, pour d'accord. l'instant, comme on n'est pas en face-à-face, d'accord. Et histoire d'éviter tout malentendu. Tout etc. à fait, tout à fait. Donc j'en saurai un peu plus dès que je serai de retour. Mais à dans Strasbourg. Ta tête, tu vois quoi? Retour dans un mois, dans deux mois Je pense que début mai, c'est possible. Début mai. Début mai. D'accord. L'année dernière, j'étais venu en mai et en juin. En juin, j'avais joué du violoncelle. En mai, j'avais un peu vu un peu le débroussaillage, mais j'étais pas resté très longtemps. Et puis, c'était quand même très contraint l'année dernière. Hein. Je ne sais pas comment ça va être cette année. Ça va être à peu près pareil. Oui. Et encore, tu dis que c'est en mai, oui, ça devait être contraint. Après, l'été, ça s'est un peu relâché, un peu trop d'ailleurs. Mais dans l'intervalle, je pense que notre gouvernement va continuer de boucler certains départements qui commencent à faire péter tous les compteurs en matière de Covid. Et il va y avoir des choses dans l'Est, notamment, d'après ce que j'ai compris. Et avec des bouclages. Avec des bouclages qui... Si tu revenais, si je puis me permettre de te donner un conseil, c'est de prendre la voiture. Parce que le train, c'est aléatoire de prendre des billets, de les revendre, de les reprendre, etc. Oui, c'est ça, oui. Hein? Et puis la voiture, il y a 950 km, c'est quand même long, hein. Bon, j'ai une possibilité déjà d'aller sur Paris, parce que en fait, en même temps, on suit mes beaux-parents. Tes beaux-parents, qui sont, en état, comment dire ça, impérieux, enfin de qui nécessite en fait présence. Donc finalement, on se succède dans la famille, et je fais partie de. D'accord. De la boucle. De la boucle. D'accord. Bon, ben ça, c'est une première étape pour sortir de Strasbourg et. C'est ça. Hein? D'accord. Ça fait déjà 500 km sur les 950. D'accord. Et pour terminer notre petite interview, est-ce que tu as des choses à dire? Autre que celles qu'on a pu évoquer, est-ce que tu as un message à faire passer? Voilà, en tout cas, actuellement, ce qui me trotte dans la tête, c'est vraiment le... C'est vraiment ces deux doigts. En fait, de Michel-Ange. Ouais. Et en fait, quelle est la part de l'homme et quelle est la part du divin? Où est-ce que nous sommes attendus, nous, dans notre élévation vers le divin et comment rester ouvert à ce que à ce divin qui va se manifester et qui se manifeste. Pour moi, il se manifeste puisque en fait, il y a des choses qui tombent admirablement bien. Alors bon, moi, j'appelle plus ça du hasard quand ce sont des choses comme ça qui se succèdent. D'accord, voilà. D'accord. Oui, donc tu es à faire la part de la part du chemin entre ces deux doigts. Et tu te positionnes entre les deux, c'est une situation qui n'est pas forcément très confortable, mais qui, symboliquement, peut te donner un élan supplémentaire. Quoi. Il y a plein de choses à faire entre ces deux doigts, c'est ça. Mais il faut se positionner. Quoi. Il y a une partie pédagogique, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on parte du jardin pur, et pour arriver finalement à travers différentes appellations, est-ce que c'est du... Il y en a qui viennent ici en disant participatif, jardin suspendu, collaboratif, pour arriver jusque au merveilleux. D'accord. Jardin extraordinaire, et puis... D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai créé cette espèce de jeu de cartes, où j'essaie de voir, en fait, qu'est-ce qui passe avant, qu'est-ce qui passe après. Ah, donner des priorités. Voilà. Donner des priorités à ton action, à ta réflexion. Non, c'est pas des priorités, c'est essayer de comprendre en fait en quoi ces appellations, l'une est avant l'autre. Oui, voilà. Mettre de l'ordre. Voilà. Mettre de l'ordre. C'est pas forcément moi qui fais cet ordre-là, c'est essayer de comprendre pour que ça soit compréhensible par tout le monde aussi. Ah, ça c'est important parce que je pense que Un de tes objectifs, et c'était un message que je voulais également te faire passer, mais que je t'ai déjà fait passer, c'est de te rendre compréhensible aux autres. De rendre la démarche compréhensible aux autres et de permettre aux autres de s'inscrire dans cette démarche. C'est ça. Hein? C'est un peu comme avec tes palettes et ta végétation, tout ça, ça doit se marier intimement et chacun doit y trouver sa place et sa bonne place. C'est un peu ça, c'est l'orientation en fait, c'est plutôt l'organisation de ça, c'est exactement, c'est pas moi en fait qui vais la faire, mais je veux la comprendre pour pouvoir mieux l'expliquer après, et puis ensuite, en fait, savoir dans cette progression, quelle est notre part, ouais. dans quoi en fait... Quelle est ma part? Quelle est la part de Claude? Quelle est la part de Christiane? Où est-ce qu'ils vont pouvoir se situer, s'accrocher tout à fait. Dans ce train? Tout à fait. C'est très intéressant, c'est passionnant, ça fera sans doute matière à discussion dans nos Skype, réunions Skype, parce que c'est bien d'échanger sur cette vastitude, parce que c'est connaître le plan du grand architecte. C'est ça. Hein, et comment s'inscrire dans le plan de ce grand architecte. Hein. C'est bien ça. C'est bien ça. Eh bien, Philippe, on va terminer sur cette conclusion que je trouve très, très enthousiasmante. Et puis, je prends l'engagement devant toi, sur ces bases-là, de travailler et d'apporter ma pierre à ton et à notre édifice. Voilà, monsieur Philippe, un grand merci à toi. Merci.